Chapitre 3. Conception de Merlin. 2 ans passèrent sans que le démon trouvât les moyens de l'engigner. Mais à force de chercher, il pensa que peut-être, en la courroussant, il lui ferait oublier ce que le prud'homme lui avait appris. Il alla donc prendre la mauvaise sœur et la conduisit un samedi soir au logis de l'autre. Elle choisit pour l'accompagner un troupeau de garçons qui, en entrant dans l'hôtel, firent un bruit grandement déplaisant pour la sage demoiselle, laquelle dit doucement « Belle sœur, tant que vous mènerez une telle vie, je vous prie de ne pas venir ici. Vous jetteriez un blâme sur moi qui n'en ai pas besoin. » « Que parlez-vous de blâme ? » reprend la méchante sœur. « Et de mauvaise vie ? La vôtre est pire que la mienne. Je sais que le faux homme de Dieu vous tient en mauvaise part, et si les juges le savaient comme moi, vous seriez brûlés. » À ces paroles, la demoiselle se courroussa. Elle dit à sa sœur de sortir de la maison. « La maison est à moi comme à vous. Nous la tenons de mon père. J'entends y rester. Vous sortirez ? » Et la prenant vivement par le bras, elle allait la jeter dehors, quand les garçons vinrent à la traverse, saisirent la demoiselle et l'accablèrent de coups. Elle leur échappa à grand-peine, et, rentrant aussitôt dans sa chambre, elle enferma la porte sur elle. Comment aurait-elle résisté ? Il n'y avait dans la maison que sa bagasse, la fille qui la servait. Dès qu'elle fut enfermée, elle se jeta toute vêtue sur son lit et se mit à pleurer amèrement, en repassant dans son cœur les anciens malheurs de sa famille et la honte qu'elle venait encore de subir. Puis, tout inondée de larmes, elle s'endormit. Et le démon, voyant que, demeurée seule et sans lumière, elle avait, dans son chagrin, oublié de se signer, pensa qu'elle était bien hors de la garde de Dieu. « C'est le moment, dit-il, de faire venir celui d'entre nous qui a pouvoir de prendre forme humaine et de connaître les femmes. » Ce démon répondit à ce que l'enfer attendait de lui. Il vint trouver la jeune fille et se tint avec elle durant son sommeil. Quand elle fut réveillée, elle se signa. « Sainte Marie, que m'est-il arrivé ? Ah, Vierge Sainte, priez votre cher fils, votre Père Tout-Puissant de garder et défendre mon âme de l'ennemi. » Mais il était trop tard. Le démon en était venu à ses fins. Merlin était conçu. Je n'entends pas reproduire ici toute la première partie du roman. Il suffira d'en signaler les traits caractéristiques. Mais avant d'aller plus loin, quelques mots sur le style du prosateur. Le Saint Graal et le Merlin nous offre assurément un des premiers essais de cette prose française, appelée à répandre tant d'éclat, à devenir l'expression de tant de chefs-d'œuvre. Non qu'elle ait encore la force, l'ampleur et la variété qui devront plus tard la distinguer. Mais son allure est déjà facile, harmonieuse. Elle a le secret du dialogue, secret charmant qu'aucune autre langue ne devait posséder au même degré. Enfin, elle n'a rien de gourmet. Elle est libre de toute imitation grecque ou latine. On sent pourtant ici les tâtonnements du premier âge. Le récit, dans la crainte d'être incomplet, avance pas à pas, ne fait grâce d'aucun détail, et n'ose franchir d'un bond les landes arides pour se maintenir constamment dans les vertes prairies. Mais ces lenteurs donnent souvent un air de vie au personnage, et nos yeux se complaisent à suivre leurs mouvements, comme devant le rire et les jeux d'une réunion de beaux enfants. Plus tard, l'écrivain s'armera de ciseaux plus tranchants. Il sacrifiera maintes branches parasites, maints bourgeons inutiles, pour donner à l'arbre plus d'élévation, de force, d'élégance. Mais les bourgeons et les rameaux tranchés avaient aussi leur beauté. Au moins est-il certain que, dans nos romans de la table ronde, nous pardonnons aux répétitions, aux longueurs, et nous finissons par nous accoutumer à cette monotonie de forme qui n'arrêtait ni la sève poétique, ni les essors de l'imagination. Plus nous suivrons les récits, plus les femmes y paraîtront fréquemment, et plus la part de l'amour sera grande dans les aventures. mais les tableaux de l'amour heureux et satisfait n'empêcheront pas les auteurs de conserver je ne sais quel sentiment de chasteté exquise et de primitive innocence. Quelques mots çà et là pourront bien étonner les lecteurs de notre temps et colorer d'une rougeur passagère le visage des femmes qui viendraient à lire ces récits ou à les entendre. Mais il ne faut pas espérer de trouver au XIIe siècle toutes les extérieures délicatesses d'une autre. Les mots qui blessent la pudeur moderne sont aujourd'hui remplacés par d'autres mots qui parfois aussi auraient blessé la pudeur de nos ancêtres. Dans tous les cas, ils représentent des images qui n'ont, aujourd'hui même, rien de bien terrible. On l'a déjà remarqué plus d'une fois, ces mots, proscrits aujourd'hui, ne l'étaient pas dans les temps bibliques, ni dans notre Moyen-Âge. Ce qu'on évitait, c'était une certaine complaisance à retenir la pensée sur les tableaux de l'amour partagé, dans l'intention de produire sur les sens une impression contagieuse. Ce tort, nos romanciers n'en sont pas entièrement innocents. Si je le prétendais, on ne manquerait pas de me citer le récit qui entraîna l'égarement de Françoise de Rimini. On en pourrait citer d'autres encore. Mais au moins peut-on assurer que les scènes du genre de la première entrevue de Guenièvre et de Lancelot, les amours d'Hygierne, d'Artus et du roi Ban de Bénoïc, sont encore enveloppées d'un parfum de pure et naïve poésie.